Oh oh oh. Ma mixtape I Am Plus X m'a rendu riche et célèbre. Je goûte à la gloire. Louis Vuitton, Rolls Royce, Lamborghini, Gucci. Non, je déconne, je suis pauvre et je fais toujours mes courses à Franprix. J'ai pas touché un centime avec ma mixtape. Rien n'a changé, ta mère est toujours une timpe. J'suis pas blindé mais je me suis fait un nom. J'ai des tonnes de groupies prêtes à me sucer le gland et je les entends encore. Branlito, baise-moi. Désolé, j'suis pédé. Si je l'étais pas, je te ferais un bébé. Ce genre de situation me laisse en émoi. La vérité, c'est que j'suis trop timide pour la niquer. Toujours puceau, je rougis. Si tu m'insultes, je t'attaque dans le dos. Comme la LDJ, mitraillée de 30%, ça risque de t'être fatal. Tu seras en larmes et ta position sera fétale. Riche et célèbre, je le suis pas. Beau et musclé, je le suis pas. Dé et puzzlé, je le suis pas. Bien membré, je le suis pas. Petit zizi, petit zizi, petit zizi, zizi, zizi. Toujours frustré, toujours maudit. Petit zizi, petit zizi, petit zizi, zizi, zizi. Des tas de moqueries. Mon vrai prénom, c'est Tanguy. Tellement de questions de merde dans ma tête de cul. Le viol doux existe-t-il? Répondez-moi, je suis perdu. Pour l'instant, vous écoutez mon son en mangeant des petits lus. Mais dans 3 mois, je serai has-been, comme Charlie et Lulu. Un bamboula est devenu ami avec ma mère. Depuis ce temps-là, j'ai un petit frère. Les chibres de noir, tout ce qu'elle préfère. Et les femmes toutes des putes, voilà, y compris ma mère. Pendant ce temps-là, j'ai jamais trempé mon pénis. Il est petit mais joli, comme les seins de Daenerys. Je suis dépressif, je désespère. J'ai besoin d'amis, je pense à me faire engager par les Illuminati. Bouffe mes boules, vas-y bébé, bouffe mes boules. Maintenant, tâte ma tentacule de tentacule. Bouffe mes boules, vas-y bébé, bouffe mes boules. Je bande le petit oiseau est sorti. Je l'ai appelé Roucoul, riche et célèbre. Je le suis pas, beau et musclé. Je le suis pas, dé et puzzlé. Je le suis pas, bien membré. Je le suis pas, petit zizi, petit zizi, petit zizi, zizi, zizi. Toujours frustré, toujours maudit. Petit zizi, petit zizi, petit zizi, zizi, zizi. Des tas de moqueries. Mon vrai prénom c'est Tanguy.